Convict. Yo. Bah, stickity dumb again. Broda Vibes Casper. En pure combinaison. Broda Vibes MC Casper. Viens proclamer ça. Toujours ce n'est pas facile pour tous les enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau. Toujours ce n'est pas facile pour tous les enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau. C'est un message aux jeunes qui rêvent de s'en sortir. On joue avec le business sans penser à leur avenir. Tu veux avoir le pactole pour le meilleur et pour le pire. Mais faut pas que tu déconnes, j'ai peur pour ton avenir. Mon gars, y'a pas de sissu, dis pas que t'étais pas prévenu. Arrête toutes ces magouilles avant qu'ils te tombent dessus. Ton délire à toi c'est la rue, mon délire à moi c'est l'instru. Et on verra lequel de nous deux aura les flics au cul. Quand ils te passeront les menottes, tu vas déféquer dans ton froc. Et tes potes viendront te carottes pour rembourser leur boss. Alors maintenant bosse et arrête tout de suite ta demeure. Balance tout par terre ou tu vas finir derrière les barreaux. Tu veux faire comme Al Pacino en voulant faire le gros, le nez dans la coco. Tu fumes des barreaux et puis tout d'un coup t'as plein de photos qui veulent qu'écro le mago. Alors ils deviennent tes assos. Toujours ce n'est pas facile pour tous les enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau. Toujours ce n'est pas facile pour tous les enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau. Mais mon frère, balance tout par terre. Ne fous pas ta vie en l'air. Persévère dans ce que tu sais faire. Et laisse le business derrière. Ça peut te plaire, une vie pépère. Sans dette et sans galère. Plutôt que de faire jouer avec tes nerfs tous tes intermédiaires. Donc reste fort, relève la tête, reprends confiance en toi. Et il n'y a pas que des rôles en fait, c'est toi-même qui fais tes propres choix. Et tu verras le jour où t'arrêtes, ceux qui resteront avec toi ne seront pas que des hypocrites. Alors maintenant fais ton choix. Toujours ce n'est pas facile pour tes enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau. Toujours ce n'est pas facile pour tous les enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau. Mais que faire, je ne sais pas comment lutter face à la montée de la mocha qui fait que progresser de chaque côté. Des clans qui ne font que s'affronter sans aucun but précis, si c'est celui de dealer. De plus en plus de gens, de plus en plus foncés, qui se ruinent pour se poudrer le nez. De plus en plus d'enfants, de plus en plus touchés par dame blanche qui vient les emporter. Toujours ce n'est pas facile pour tous les enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau. Toujours ce n'est pas facile pour tous les enfants du ghetto. Diffuser le mocha aux jeunes est devenu leur boulot. Sur le mic, quand la messe revient aussitôt. Avec MC Gasper, on remet tout ça au niveau.